Allez, on oublie tout, les ennuis, les problèmes, les ceci, les cela, que je le blouse ce soir, mais ça ira bien une autre fois, c'est pas grave, tout va bien, parce qu'on va écouter les Beatles, John, Paul, Ringo, George, alias les Beatles, de 1962 à 2014. On a fêté les 30 ans, il paraît que dans 30 ans j'en aurai 80, on fêtera les 60 ans de la saga des Fab Four. Si je suis encore là, si j'ai encore de la voix, j'espère que vous allez bien. J'envoie le bonjour à tous ceux qui écoutent sur 90.7, qui est là où il faut écouter quand on habite Bordeaux et la région. Pour le reste du monde, y compris aux États-Unis où il est 14h actuellement, hello Edgar, y compris en Israël où il est, je sais pas, 2 heures de moins, y compris ailleurs où il est une certaine heure, et bien c'est sur www.rgfm.fr. On est ensemble jusqu'à 22h et c'est la saga des Fab Four numéro 231 que nous faisons aujourd'hui, ce soir, et j'en suis ravi. L'album de la semaine, c'est At the Speed of Sound, à la vitesse du son, par Paul McCartney en 1976, évidemment le nouvel album, l'album remasterisé, et on écoutera Silly Love Songs, She's My Baby, Beware My Love, Let Them In, Sanfarian, et Warm and Beautiful. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, par exemple, Mind Games, tiré de l'album éponyme en 1973. Pour George Harrison, What Is Life, en 1970, sur l'album All Things Must Pass. En 1970 aussi, sur l'album Sentimental Journée, ce sera Bye Bye Blackbird, par Ringo Starr. Et puis pour les Beatles, on commencera par From Me To You, c'est le single de 1963. Voilà pour le programme. Je vous propose, parce que il faut essayer de se dépêcher un petit peu pour tout caser, de commencer dès maintenant. Donc on arrête le générique et on commence par la première chanson. La première chanson, c'est, on lui a dit à Paul McCartney, t'en as pas marre de faire des petites stupides chansons d'amour? Mais lui, il commence par, non, les petites stupides chansons d'amour, eh ben non seulement j'aime ça, mais je vais continuer à en faire parce que tout le monde aime ça apparemment. C'était en 1976 et tout le monde connaît. Bienvenue sur RIG, c'est la saga des Fab Four. What's wrong with that? Nothing is wrong. Voici maintenant John Lennon. On reste dans le même thème, puisque c'est une chanson d'amour, la fin. La chanson aurait dû s'appeler I want you to make love, not war. I know you've heard it before. c'est très très agréable d'avoir des amis, parce que si je n'ai pas parlé pendant ces quelques disques, c'est parce que mon téléphone n'arrête pas de sonner pour me demander de mes nouvelles. Je vais bien, rassurez-vous, je vais bien. Des soucis actuellement, mais ça ira. Donc c'était George Harrison qui dit « What is my life without your love ?» Et c'est tout à fait dans le sujet. Voici Ringo Starr sur RIG dans la saga des Fab Four et Bye Bye Blackbird. Une chanson, plutôt en 1970, c'est un album qu'on n'attendait pas, parce que les rockers, quoi, hein, les rockers, les Beatles rockers, eh bien lui, il a sorti ça, il l'a dit à l'époque, c'était pour faire plaisir à sa mère. Des chansons des années 30-40, et ça va très très bien à sa voix. La même année, il sortira un album également de country qui lui va également très très bien. Écoutez, en avance sur tous les autres. Des années après, Rod Stewart l'a fait, Robbie Williams l'a fait, Paul McCartney l'a fait aussi, mais lui, il l'a fait en 1970, Ringo Starr. Pack up all my cares and woe, here I go, singing low, bye, bye, Blackbird. Where somebody waits for me, sugar is sweet, so is she. Bye, bye, Blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light, I'll arrive late tonight. Blackbird, bye, bye. Here I go, singing low, bye, bye, Blackbird. Where somebody waits for me, sugar is sweet, so is she. Bye, bye, bye, bye, Blackbird. I said, no one here can love and understand me. Oh, while hard luck stories they all hand me. So make my bed and light the light, I'll arrive late tonight. Blackbird, bye-bye. Make my bed and light the light, I'll arrive late tonight. Blackbird, I said Blackbird. Les quatre, John, Paul, Ringo, George, ensemble, ça donne forcément les Beatles. Et puisqu'on parle des Beatles, on parle de Londres. Puisqu'on parle de Londres, on parle de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur les Beatles, sur les familles des Beatles, c'est-à-dire les copains, si vous voulez, sur nous, les animateurs radio, je découvre de plus en plus sur le site Beatles Magazine qu'il y a des tas et des tas, des tas de personnes partout dans le monde qui font des émissions sur les Beatles. Et Lovely Rita vous donne les heures pour l'écouter, les moyens de les écouter. Vous pouvez tout savoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en allant sur Beatles Magazine, sur Facebook, sur Twitter, sur Google et sur bien d'autres plans également. Allez-y et écoutez notamment le lundi soir, si vous êtes du côté des États-Unis, le Beatles Tonight par mon ami Michael Honorato. C'est très très bien fait, c'est plutôt sympa, c'est complètement différent de la saga dans le style, mais c'est sympa. Et c'est à 4 heures du matin le mardi pour ceux qui se lèvent très très tôt. On a parlé des Beatles, les voici avec From Me to You. C'est en avril 1960 que c'est sorti. Il ne s'écoula que 5 jours entre la composition et l'enregistrement. Pourtant, John expliqua plus tard qu'ils avaient failli ne pas l'enregistrer. Nous pensions que le morceau était trop bluesy, mais lorsque nous avons écouté la version produite par George avec la partie d'harmonica, nous sommes aperçus que ça allait. From Me to You devint le deuxième numéro 1 des Beatles dans les charts britanniques et durant 7 semaines. True, just call on me and I'll say

l'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Tenir ta main. Je crois que c'est Claude François qui chantait ça en français. Tout comme From Me to You tout à l'heure, c'était Debbie's, deux mois pour toi. C'est mieux en anglais quand même. On arrive à Ringo Starr en 1973. En 1973, il réunit ses potes et il fait un très bon album, dont cette chanson qui n'a pas été écrite par ses potes. C'est Have You Seen My Baby sur RIG, extrait de l'album Ringo. You know she's driving me crazy with the funny

moment don't I know exactly where my life will go. Seems like all I really was doing was waiting for a love. Thought I'd been in love before. Very emotional, dit Lovely Rita sur Facebook. Et c'est une version que vous ne connaissiez peut-être pas, qui se trouve sur l'album Peace, Love and Truth, sorti en 2005 par John Lennon, bien entendu. Vous savez que John Lennon avait l'habitude de parler de lui dans ses chansons, et bien moi, de temps en temps, je parle de ma vie d'un à la radio, et je vais donc profiter de cet instant pour envoyer un énorme bisou à ma fille Eden, qui est en train d'écouter la saga des Fab Four depuis son lit, parce qu'elle va pas tarder à dormir, et donc je lui envoie un énorme bisou de son papa, qu'il aime très très très fort. Beware My Love, c'est extrait de l'album de la semaine. Fais attention, mon amour, c'est Paul McCartney qui le chante sur RG. Beware my love. Vous avez aimé cette version, écoutez la version survitaminée de l'album Wings Over America. C'est à avoir des frissons partout, tellement c'est vraiment très très bon. Je vous propose, et vous n'avez pas le choix, succès oblige, de marquer une pause et juste après, il y aura une petite surprise pour un copain. RIG, votre radio locale, se fonde sur une valeur essentielle. Chaque auditeur est unique. Communiquer avec chacun d'entre vous est essentiel. RIG veut développer et enrichir son site internet pour le rendre plus accessible et interactif. Vous donner la parole et permettre de vous approprier nos émissions. Votre soutien nous sera précieux. Aidez-nous à mettre en œuvre ce projet, à le financer. Chaque participation, même la plus minime, aura sa valeur, car RIG Radio Associative dispose de peu de moyens. Pour souscrire, adressez vos dons à RIG, BP 66, 33 290, Blanquefort. Toute l'équipe de RIG vous est reconnaissante pour votre engagement. L'association Les Amis de RIG vous fera parvenir un reçu. Et on reprend la saga normalement avec un cadeau, puisque tout à l'heure j'ai parlé de ma fille, et bien ça a donné des envies à Clément qui a envie de dédier une chanson à une fille qui l'aime énormément, qui lui a déclaré son amour d'ailleurs il y a quelques jours. Elle s'appelle Ilona et il l'aime, Clément, et il veut d'ailleurs, parce que c'est en espérant qu'elle soit à l'écoute, de toute façon lui faire écouter le podcast, lui faire écouter la chanson qui vient juste après le jingle And I Love Her sur RIG. Je ne fais pas ça souvent, mais là c'est une déclaration d'amour, alors obligé. And I Love Her pour Ilona de la part de Clément. Give her all my love, De Joël qui passe au moment où cette chanson passe à l'antenne et qui dit je t'aime à Joël. C'est super sympa quand même. Salut Marie de Joël. Voici Inside Out, George Harrison et les Traveling Wilburys sur RIG. Look out your window. The grass ain't green. It's kinda yellow. See what I mean? Look up your chimney. The sky ain't blue. It's kinda yellow. You know it's true. It's so hard to figure what it's all about. When your outside's in. Upside down. Yeah, you're upside right. Upside down. Yeah, don't it make you wanna twist and shout when you're inside out? Look down your dream pipe. What color do you see? It's got to be yellow. Don't try to fool me. Don't it make you wanna twist and shout? When your outside's in, inside out. And your downside's up. Upside down. Yeah, your upside's right. Upside up. Yeah, don't it make you wanna twist and shout when you're inside out? Be careful where you're walking. You

7, la radio des Beatles. Nous sommes en 1969 et il n'y a que deux Beatles dans cette chanson-là, John et Paul. Les autres étaient partis à droite ou à gauche et malgré les dissensions qu'il y avait à cette époque-là, les problèmes et tout ça, on voit que la musique quand même restait une sacrée aide pour eux deux parce qu'ils arrivent à faire les Beatles juste à deux et c'est plutôt très bien fait avec en plus John Lennon rigolard puisque en 1966 il avait dit nous sommes plus célèbres que Jésus-Christ. Oh là là, aux États-Unis ça n'a pas plu du tout, on a brûlé des disques, c'est scandaleux, les Beatles c'est vraiment des pourris, etc. Et en 3 ans plus tard, en 1969, il dit de la façon dont vont les choses, ils vont me crucifier. Et oui, encore un petit clin d'œil, on va dire, quelque chose comme ça. Et là, il raconte simplement sa journée, simplement la manière qu'il a utilisée pour se marier avec Yoko. Et ça donne une superbe chanson, bien agréable. Et en 1982, je me souviens d'avoir écouté à la radio française une émission créée par Ringo Starr. L'émission s'appelait Yellow Submarine et il parlait forcément des Beatles. Et au sujet de cette chanson The Ballad of John and Yoko, il savait, Ringo, que c'était Paul McCartney à la batterie et il a dit au sujet de ce morceau-là, nice work on drums, Paul. Ah, ça sonne. Je vais aller ouvrir. Let them in, je le fais à chaque fois. C'est Paul McCartney sur l'album At the Speed of Sound, 1976, en remasterisé. At the door, somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door, somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Sister Susie, Brother John, Phil and Don, Brother Michael, Auntie Jean, open the door. Sur RIG, c'est bien la saga des Fab Four que vous entendez sur www.rigfm.fr par exemple. Et voici le moment de la cover. Vous savez, lorsque quelqu'un reprend une chanson qui a été reprise par les Beatles, même si à l'origine, par exemple, si on prend Chuck Berry, ça peut être lui, Chuck Berry, l'auteur original d'une chanson qui a été reprise par les Beatles. Du moment, en gros, du moment que ça a été chanté par les Beatles ou les quatre de Liverpool, eh bien, ça fait partie de la cover. Voici Steven Tyler qui nous fait une reprise d'Abbey Road raccourcie, mais plutôt pas mal faite du tout. La voici. those away. Générale, si vous suivez sur Facebook, tout le monde s'est présenté les chiens l'un à l'autre. Donc voici Hey Bulldog sur RG. Sweaty hands.

1968 sur l'album blanc Dear Prudence du grand John Lennon. Et on revient à l'album de la semaine. Faut se dépêcher un petit peu maintenant parce que Eric est là et il est impatient de commencer son émission sur Johnny. Et puis moi je lui dis, oh mais ça fait rien. Ah oui, Sans faire rien, c'est le nom de la chanson et c'est un gag en anglais. Je ne le savais pas avant qu'on me le dise. Sans faire rien, ça vient de ça fait rien. Voici la chanson sur RG. Extrait bien sûr, extrait de At the Speed of Sound. Belle chanson et belle voix pour Paul McCartney. And if things are what they seem, you're looking swell, dear. Your little man brings you trinkets when he can, but he can't stay, dear. That's very well. But inside you shine a shell. You dance all day, dear. Your feelings leap away into the laughter. Saint Ferian, and the world keeps turning happy ever after. On a dit sur Facebook que cette saga était la saga de l'amour. Alors, vous me permettez de dédier Beautiful Girl à la personne que j'aime ? C'est George Harrison en 1976. C'est pas la personne que j'aime, même si je l'aime bien. Et qui nous chante cette chanson-là sur l'album 33 and One Third. Beautiful Girl sur RG. C'est pour toi. Surprise. or twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said the driver on the one after 9:09. I picked her out the door and I begged her on my bended knee. You're only fooling around, only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 9:09. Pick up my bags, run to the station. Railman says you got the wrong location. Pick up the bags, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, said you're driving on the one after 9:09. Honey, traveling all night life. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 9:09. Get back home, dancing with

myself is calling. A love so warm and beautiful never fades away, never fades away. Comme on a rajouté deux chansons dans la playlist, on est obligé d'en enlever une, donc hello goodbye, hello goodbye, parce que on n'a pas le temps. Voici la chanson qui a servi de guide vocal pour Ringo Starr en 1974, Only You, mais chantée par John Lennon. Et après, une dernière chanson et on se quittera. Dernière chanson de la saga des Fab Four, eh bien, c'est Paul McCartney qui nous l'a donnée à nous, les fans, et c'est bien parce que ben, je ne la connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Elle date de 1974 sur le show One Hand Clapping. Shout it, love my baby, and that's good enough for me. Yeah, well, love my baby, and I wanna shout. I don't know what she's talking about, but I love my baby, and it's good enough for me. Well, love her in the evening time, love her in the night.